Baisse Radio Tahiti. On va dire qu'on va changer de chaîne. C'est la seule radio qu'on puisse écouter, nous. Nous, 9 soldats français, qui sommes sur cet atoll-là, perdu dans le Pacifique. À l'atoll, quel est l'atout, tout est atout. Il y a le lagon, comme distraction. Il est joli. L'eau est bleue, il y a le récif de corail, après il y a la mer qui est verte, le Pacifique. On est à 1 heure de l'île, où il y a la bombe atomique française. Et nous, on doit surveiller s'il n'y a pas des bateaux ou des avions qui vont arriver pour piquer les secrets de la bombe atomique française. Il y a de quoi se marrer, dis donc. La dernière fois qu'elle est partie, la bombe Europa, elle a fait... Oh, il y en a marre d'être ici. 6 mois. 9 soldats français de 20 ans. 6 mois qu'on n'a pas vu une fille. On se réveille le matin, on voit les feuilles de cocotier à l'envers. 6 mois sur une île sans avoir vu une fille. On a de ces matins, mon pote. On se réveille, on est au beau fixe. On amènerait bien le petit au cirque. Seulement, c'est tous les jours relâche. Il y en a marre. Tiens, je vais lire la dernière lettre de ma fiancée. Le soir, je m'endors avec. J'ai l'impression qu'elle est là. Mon cher Nunus. Hier, j'ai été garder les vaches avec la voisine. Et puis demain, on va tuer le cochon. Je vais bien penser à toi. Toi qui aimes tant le boudin. Oh, il y en a marre, offre-nous la paix. 6 mois sur cet atoll perdu dans le Pacifique. C'est pas humain. Moi, quand je vais retourner à Paname, j'irai dans mon quartier, à la porte des Lilas, dans les petits guinches. Il en reste encore des vrais guinches. Où on danse musette. Je te jure, quand j'arrive là-bas le samedi soir, toutes les filles, elles sont là. Salut Polo, ouais, salut. On en fait une tout à l'heure ensemble, je verrai ça, que j'en dis. Je verrai ça. Oh, vous n'êtes pas fini, oh, vous avez foutu la paix, oh. Bande de sentimentaux. Moi, je suis du Midi, est-ce que je vous parle de mon pays, moi? Jamais. Quand je vais retourner, la première chose que je ferai, voilà. De tchétchour, là. J'irai me manger une tomate. Ben, ici, il y en a assez, des tomates. Oh, fous-nous la paix, l'Auvergnat, oh. Qu'est-ce que t'appelles ça, des tomates, ici, toi? Elles arrivent d'Auckland, de la Nouvelle-Zélande ou de Sydney. Ça mûrit dans des cajots. Moi, je te parle de vraies tomates. Ah, bouddhi, que je mangerai une tomate. Je me souviens, vers les 7 heures le soir, je me disais, tiens, je vais aller voir l'oncle Tonin. Oh, Tonin! Alors que le soleil se couchait, je vais te voler une tomate. Hein, va, petit. Alors j'allais sous le tomatier. Connais-tu le parfum d'une feuille de tomate? Et là, je choisissais la plus belle tomate. Tu sais, quand elle commence à être fraîche, à la tombée de la nuit, que les chiens aboient dans la vallée. Et je prenais cette tomate. Oh, tu vas pas nous faire une salade avec une tomate, non? Tu l'essuies, puis tu la bouffes, et puis ça y est. Tu essuies une tomate, toi? Assassin! Une tomate, c'est délicat. C'est comme une belle fille. Il faut pas la brusquer. Il faut prendre son temps. Elle sait qu'elle va être possédée. Elle dit non, et toi tu lui fais des compliments. Oh, et tu es belle, oui. Alors elle rougit de confusion. Et à ce moment-là, Ben quoi, tu la coupes en rondelles. Tu la coupes en rondelles. Assassin. Quand tu l'as bien regardé, que tu l'as bien complimenté, ouvre délicatement. Quoi, monsieur joli, tu as tout le soleil de la province. Ben ici, il y en a assez du soleil. C'est pas le même. Moi, je te parle d'un vrai soleil méditerranéen. Et à ce moment-là, quand tu as ouvert la tomate, tu vas pour mordre dedans. Ben ouais, tu mets du vinaigre et du sel. Et... Tu mets du vinaigre, quoi ? Assassin ! Bon, vous allez me la laisser manger, ma tomate ? Tu mords dedans. Et c'est le bonheur qui te passe dans le gosier, manger le tomate de province. Tu entends les bruits de la garrigue, le thym qui vient des montagnes, c'est bon. C'est un goût. On dirait une orange.